Dossier 4, livre page 46. 1, 2, 3, allons dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges.